Chapitre 5. L'état de neutralité ou l'assassin de Mia. Je ne vais pas pouvoir ici redonner tous les enseignements du maître Omram, puisque la plupart d'entre eux, vous pouvez les retrouver dans ses nombreux ouvrages. Et aujourd'hui, je suppose, conférences, enfin, vidéos, etc. Je vais présenter des extra-leçons, tout en sachant que ces extra-leçons se tournent totalement vers l'enseignement absolument classique que l'on trouve dans tous les livres, que l'on trouve au Bonfin. Mais il y a des choses plus spécifiques que le maître Amram a voulu m'apporter, et ce sont ces choses plus spécifiques que je voudrais pouvoir vous apporter. Je ne peux que vous encourager à visiter le site Prosveta sur Internet ou à acheter des livres, à étudier sérieusement cet enseignement. Je dirais que dans mon expérience personnelle, ayant très bien connu le maître Amram, je suis presque d'accord avec tout, à part un aspect, le sexe. Nous verrons plus tard que le maître Amram avait de sérieux problèmes avec le sexe, qu'il n'a pas su bien gérer son évolution vis-à-vis du sexe. Et donc, à chaque fois qu'il parle du sexe, vous pouvez vraiment fly over, ça veut dire survoler, voilà, sans lire véritablement. Parce que le maître Amram a été pris dans un piège psychologique où il a mal compris quelque chose du maître Peter Donov, puis s'est enfermé dans un piège insoutenable, qui l'a mis sous très forte pression et qui l'a amené à dire des choses, à être dégoûté de toute forme corporelle, sexuelle. Et donc, toujours dans ses livres, il y a même des livres qui s'appellent Le Dragon ailé, alors vous pouvez oublier totalement, c'est une catastrophe totale. Mais le reste, sur toutes les personnes, sur tout, je ne peux être qu'à 100% d'accord. Donc le sexe, nous reviendrons plus tard, lorsque j'ai découvert certaines choses dans la vie, on va dire, de Ivanov, pas du maître Amram, et comme j'ai bien fait la différence. Pour le moment, je voudrais surtout présenter certains enseignements du maître Amram, en allant plus loin que dans ses enseignements classiques, de façon à pouvoir profiter d'un rapport très particulier que j'ai eu et que je voudrais pouvoir vous rapporter. Mais, en règle générale, tournez-vous vers les livres du maître Peter Donov, vers les livres du maître Omram, tournez-vous vers les nombreuses conférences, vidéos, etc. Essayez d'assimiler vraiment l'enseignement de la FBU, Fraternité Blanche Universelle, parce que, même si je vous disais que Ivanov était un peu traumatisé sur le sexe et donc a été amené à exprimer des idées d'horreur, de ouh, le sexe est mal, c'est pas beau, c'est pipi caca. À part ça, tout l'enseignement est certainement un des plus hauts que je n'ai jamais pu rencontrer. Or, j'ai même vécu dans des monastères. Or, j'ai étudié avec plein de maîtres ou d'écoles différentes. Pour revenir donc au sujet de ce chapitre, maintenant que vous avez, je l'espère, largement étudié l'enseignement du maître Amram, je peux vous dire que le maître Amram a exprimé plusieurs fois que nous sommes dans un état de guerre, dans un état diabolique. Là, il parlait de la société. En tout cas, il me parlait de la société. Et il me parlait de l'état de neutralité. L'état de neutralité est une chose qui va être souvent utilisée par les gens pour exprimer laisse-moi tranquille. De toute façon, je suis ce que je suis, rien n'est blanc, rien n'est noir, tout est un peu gris, et je ne prends pas position ni pour ni contre, j'ai mes idées, laisse-moi tranquille. Voilà l'état de neutralité. L'état de neutralité enseigné par cette société. Et le maître Omram m'expliquait, Moi, personnellement, très souvent, j'allais faire des très grandes randonnées de 1 semaine, 10 jours, tout seul, en Ardèche, dans la vallée de Lérieux, et pas dans les gorges de l'Ardèche, mais dans la vallée de Lérieux, qui est une vallée très perdue, où il y avait en ce temps-là pratiquement aucun tourisme, et dès qu'on allait se promener dans les chemins de randonnée, on rencontrait pratiquement personne. Et j'avais l'habitude, en parlant de sexe, j'avais l'habitude de faire ces randonnées, très souvent quand il faisait chaud, évidemment, quand il faisait froid, j'évitais d'y aller, et je prenais mon sac à dos, mes chaussures, et j'allais me promener tout nu. Parce que j'aimais bien être nu, parce que j'aimais bien marcher nu. Quand j'arrivais dans un coin où je pouvais croiser des gens, j'enfilais un short. Mais la plupart du temps, comme je connaissais des coins qui n'avaient rien de rien de rien, je pouvais largement marcher nu et j'ai fait ça pendant des années. Une seule fois, il m'est arrivé de me retrouver nez à nez avec un couple. Je ne les ai pas entendus arriver, j'imaginais pas qu'ils puissent être là. Je dis oups, bonjour, et je les ai croisés. Voilà, c'est tout. Ceci sur environ 3 ans à peu près. Il y avait des cascades, il y avait des endroits fantastiques, merveilleux. Enfin, j'avais l'impression d'être un peu dans Jurassic Park. Et le maître en moi me disait, tu vois, dans ces endroits-là, tu peux être neutre. Tu peux être neutre parce que tu n'es entouré que par l'harmonie, que par la lumière. Et d'ailleurs, c'est dans cet état de neutralité, entre guillemets, que tu m'as appelé la première fois. Donc, dans un état lumineux, je veux dire dans un endroit lumineux, nous n'avons pas besoin d'irradier, de rejeter le mal, de se concentrer sans arrêt sur la lumière, car la lumière est partout autour de nous et en nous. Donc cet état de neutralité peut tout à fait exister. Mais il faut être capable de regarder autour de nous. L'état de neutralité dans notre société classique veut dire un état d'obscurité, un état diabolique. Car le lavage de cerveau est partout. La façon dont nous devons nous soigner, et le maître Mohamed était absolument contre, la façon de manger, et le maître Mohamed était absolument contre. Il m'a dit, par exemple, qu'il a enseigné le végétarisme en acceptant le poisson au bon fin. Il m'expliquait qu'en fait, l'état de végétalien est bien plus proche, ou fructivore, est bien plus proche de l'enseignement du maître Peter Donohoff. Mais en Europe, déjà, le végétarisme avec du poisson, c'était une révolution virtuellement inacceptable pour les Européens. Donc c'est le maximum qu'il ait pu demander. Pourtant, ce n'est pas ce qu'il voulait. D'où le fait que l'état de neutralité n'existe pas. Il y a cet état de guerre avec le mal, le diable, partout. Lâcheté, trahison, obsession sexuelle. Alors je sais que vous avez, tu as dit que... Non, mais j'ai jamais dit que le sexe, c'était les partouzes, les orgies, et ainsi de suite. En fait, le sexe est un énorme problème de notre société. Il devrait être vécu, le sexe devrait être vécu d'une façon naturelle, aimante, ouverte à tout point de vue. Et le fait qu'il y ait en même temps une obsession sexuelle dans notre société et des tabous sexuels provoque un état délirant où tout le monde ne pense qu'à ça et en même temps personne ne reconnaît qu'il y pense. Un homme en psychologie, nous disons, pense au sexe 30 fois par jour. Et une fille, qui n'est pas du tout intéressée dans le sexe, n'y pense que, j'ai oublié, je crois que c'est 15 ou 20 fois par jour. C'est pas si mal quand même, hein, pour quelqu'un qui n'est pas obsédé. Donc elle peut toujours dire que l'homme est obsédé parce qu'il y pense plus souvent. C'est vrai. Mais quand la femme dit non, elle se ment à elle-même. Ça ne veut pas dire qu'on devrait dire oui à tout le monde, n'importe comment, n'importe quand. Mais il faut faire face à toutes ces choses qui ne sont pas nous. Nous ne naissons pas pédophiles, nous devenons pédophiles. Nous ne naissons pas violents, nous devenons violents. Nous ne naissons pas traîtres, nous devenons traîtres. Nous ne naissons pas faibles. Nous devenons faibles. Nous ne naissons pas feignants, nous devenons feignants. Nous ne naissons pas nationalistes, nous devenons nationalistes. Nous ne naissons pas pessimistes, nous devenons pessimistes. Alors, on regarde ceci, où est la neutralité ? La neutralité, en Ardèche, dans la vallée des Rieux, c'est se laisser imbiber par ce qui nous entoure. La rivière, les cascades, les sites extraordinaires, la solitude, le lever de soleil. Donc, la neutralité dans la société, c'est se laisser imbiber par tout ce qui nous entoure. La faim, la violence, l'obsession sexuelle, les mensonges politiques, l'autorité fasciste de la police, l'obsession nationaliste de tel ou tel pays, parce que ça marche dans tous les pays, les injustices, les mensonges, les trahisons, la pollution, les vaccinations, la médecine d'aujourd'hui, la folie de toutes parts. Ce sont des notions auxquelles le maître Moran faisait référence avec moi par rapport aux arts martiaux, puisque déjà en ce temps-là, j'étais un grand expert d'arts martiaux. Et dans les arts martiaux, il y a ce qu'on appelle un périmètre de sécurité. Ah, même si vous parlez avec quelqu'un et que cette personne envahit votre périmètre, vous allez soit reculer, soit le repousser. Pour accepter quelqu'un dans votre périmètre, c'est que vous voulez faire une accolade, l'embrasser. Sinon, naturellement, vous garderez des distances de sécurité. La neutralité veut dire qu'il n'y a pas de distance de sécurité, puisque le mal vous est perpétuellement répété. Vous ouvrez le journal, vous avez le mal, hein, on n'exprime pas le bien. Vous écoutez la télévision, vous avez le mal, on n'exprime pas le bien. Vous prenez un livre, la plupart du temps, vous lisez le mal. On n'imprime pas le bien. Vous parlez avec vos amis qui ont pris toute cette obscurité à travers leur soi-disant neutralité. Donc, ils expriment le mal, la trahison. Vous aimez, on vous dit, ben, vas-y, profites-en, ça ne va pas durer longtemps. Vous faites des choses et on vous dit, oh, qu'est-ce que tu es orgueilleux. Tu devrais être un peu plus réaliste, hein, tu ferais mieux de travailler, il faut penser à ta retraite. Au lieu de t'occuper des autres, hein, tu ferais bien de t'occuper de ta voiture et de ta maison. Tu vas arriver à quelque chose. C'est ça, l'état de neutralité. Pourquoi est-ce que je parle de Mia qui a été assassinée? Parce que, et c'est tout le paradoxe de cette situation, les gens font référence à la neutralité. Mia, par exemple, sur les cours que je fais très souvent, les conférences, les explications, elle m'a dit à un moment, j'ai plus envie d'écouter. J'ai pas envie d'être obligé d'écouter. Je veux être libre. Mais quand elle crie à sa liberté, elle crie donc à la neutralité, donc à la soumission vis-à-vis de l'obscur. Parce que l'enseignement de l'obscur est là, perpétuellement, toujours, en toute chose, en tout lieu, avec toute personne. Il est rare, pour moi, extrêmement rare, de pouvoir me dire « Ah, avec cette personne, je peux m'ouvrir. » Pour le moment, je pourrais dire, dans ma vie, évidemment, le maître Amram, physiquement, hein, Madeleine Chavanon, Yannick Percherencier, maintenant il y a Mathieu, ce jeune homme avec les chevaux, dont on parlera plus tard, grosso modo, dans toute ma vie, peut-être en ai-je oublié un, mais c'est tout. Alors où est votre état de neutralité? Donc, Mia, une fois qu'elle était en état de neutralité, nous étions en Allemagne, elle a rencontré des amis. Ah oui, les amis. Les ennemis, les amis qui ne sont que des êtres obscurs. Enfin, ils ne sont pas obscurs, mais ils ont été neutres dans l'état d'obscurité de ce monde. Donc, ils ont pris l'enseignement obscur. Et ils enseignent à Mia, dans son état de neutralité, l'obscur. Du genre, pourquoi devrais-tu être obligé d'écouter des textes ou de lire des textes Utilise ton libre arbitre. Utilise ton libre arbitre, ça veut dire sois neutre dans le monde de l'obscurité. Et elle a pris tous ses enseignements. Je voyais bien qu'elle était de plus en plus distante depuis environ 6 mois. À un moment, je lui ai dit, tu sais, tu fais aucun travail par rapport au travail un peu philosophique, spirituel. Elle m'a dit, je n'ai pas envie de me sentir obligé. Ouf, référence absolue à la liberté. Vive la démocratie, la liberté. Cette même démocratie qui ne vous laisse pas une minute de paix sans vous bourrer d'idées obscures, diaboliques. Comment peut-on accepter la moitié du monde qui meurt de faim? Comment peut-on accepter des traitements médicaux qui ne marchent absolument pas? Si j'invite des gens chez moi à manger, ils sont 6 et il y en a 4 qui finissent à l'hôpital, entre la vie et la mort. Je me ferai arrêter. Homicide involontaire, etc., etc. Je devrais en répondre devant la loi. Il faut savoir que je crois que c'est 95, 95 ou 98%, 99%, c'est un taux très élevé, 98, 99%, des gens, donc c'est en 18, 99, des gens qui ont le cancer, qui sont traités par le cancer et qui mourront dans les 5 ans. Les gens qui vont au-delà, c'est des 5 ans après un traitement de cancer, c'est une minorité de entre 1 et 5%, quelque chose comme ça, 4%, j'ai oublié. Enfin, c'est un taux très bas. Y a 6 personnes qui viennent manger chez moi et 4 qui sont à l'hôpital, en pourcentage, j'ai un taux de survie beaucoup plus élevé que ce qu'on fait dans le cancer. Et pourtant, tout le monde court chez le cancérologue quand on a un cancer. Et il y a d'autres méthodes qui existent pour combattre le cancer. Tous les gens qui atteignent 20, 30, 40, 60, 80% de réussite sont attaqués en justice parce qu'ils ont 20 ou 30 ou 40 ou 50% de décès. Ah ben, c'est déjà beaucoup, beaucoup mieux que la médecine classique. Et tout cela se passe sous votre nez et personne ne voit rien. C'est ça, l'état de neutralité. Et je pourrais donner la même chose sur des milliers d'autres exemples. Il y a des maladies, comme par exemple l'hyperactivité, c'est une maladie qui n'existe pas. C'est une maladie qui a été fabriquée de toutes pièces. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je ne comprends pas. Alors, soyons clairs. Il y a des enfants qui sont très excités et il suffit de leur donner ce qu'ils ont besoin à ce moment-là. Beaucoup de sport, beaucoup d'attention. Et dans 2 ou 3 ans, ils vont être beaucoup plus calmes. Mais aujourd'hui, on a décidé que c'était une maladie. Donc, dès qu'on a ces signes-là, c'est pire que ça. Hein. Pour aller, par exemple, dans certaines écoles ou même en crèche, il faut que votre enfant classé hyperactif reçoive tel ou tel médicament, sinon il n'est pas accepté. C'est ça, votre liberté, l'état de neutralité. Et en commençant ces traitements, l'enfant deviendra fou. C'est-à-dire que la maladie existera vraiment. Récemment, une nouvelle maladie vient d'être déclarée par les autorités mondiales, qui est besoin d'indépendance et de non-conformisme. Le besoin d'indépendance et de non-conformisme est aujourd'hui devenu officiellement une maladie. Alors vous allez dire, oui, bon, ils peuvent décider ce qu'ils veulent, je m'en fiche. Non, encore une fois, état de neutralité, état de mensonge et de victime. Non, parce que si un jour vous allez à l'hôpital, si un jour vous êtes un peu malade, vous vous êtes cassé un bras et ainsi de suite, ah, je ne veux pas ça, ah, je ne veux pas m'endormir à telle heure, ah, je veux manger végétarien, ah bon, on va lui filer la petite pilule bleue, la petite pilule rose, parce que nous, on sait, il a une maladie dont il n'est pas conscient. Et peut-être qu'on va le diriger, l'aiguiller vers un médecin qui pourra s'occuper de lui à ce niveau-là. Et à partir du moment où on incarne, on organise avec des médicaments et tout le reste une maladie, cette maladie existe totalement. Donc aujourd'hui, dans notre état de pseudo-neutralité, existe officiellement, vous pouvez vérifier sur Internet, la maladie de besoin d'indépendance et de non-conformisme. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire que moi-même qui suis en train de vous parler, eh bien, je suis malade. Et ça veut dire que le maître Omram était très malade. Eh oui. Et un pauvre gars comme Matthieu, il est encore plus malade peut-être. Vous vous rendez compte? Il est Breatharian. Breatharian, ce sont des gens qui arrivent à se nourrir directement avec l'énergie et qui ne mangent pas ou très rarement. Alors lui, besoin d'indépendance et de non-conformisme, il s'en prend une dose maximum. Hein. Au lieu de se dire, waouh, ouais, mais c'est merveilleux, c'est fantastique, comment serait-il possible qu'on puisse s'alimenter directement avec le prana, avec l'énergie? Dis, viens voir mon petit gars là. Yeah, tu vas prendre le petit médicament, là tu vas te sentir beaucoup mieux après. Allez, prends des pâtes aussi, allez, tout va bien se passer. C'est ça, l'état de neutralité. Donc Miel a reçu ses enseignements de ses amis allemands autour d'eux. Hein, libre arbitre, on ne devrait pas t'obliger. Ne te force pas, va à ton rythme, respecte ta personne, blablabla. Bla, bla, bla, bla. Et au bout du compte, c'est ce qu'elle a commencé à me sortir. Je ne veux pas me sentir obligé de. Et à la fin, comme je l'ai exprimé, quand elle m'a dit au revoir, elle m'a fait une accolade allemande. Elle a osé, après tout ce qu'elle a vu, où j'ai passé des années à démontrer ça. Et elle-même, très souvent, elle se moquait des Allemands qui faisaient ça. Et au bout de quelques mois de neutralité, elle m'a fait une accolade allemande. Voilà l'état de neutralité. Voilà ce que le maître Omram enseignait perpétuellement en disant « L'état de neutralité ne peut évidemment exister que dans des circonstances lumineuses, dans un endroit lumineux. » Et Matthieu, dont je parlais précédemment, me disait, et je suis assez d'accord avec lui, parce que moi j'essaie de manger très peu, donc je ne suis pas à son niveau, mais quand même, je mange très peu, et je suis d'accord avec lui. Quand on est face à des emmerdeurs, à des agresseurs, il faut manger, parce que la nourriture donne une force plus tonique, plus martiale, pour plonger avec ces débiles dans la boue. Et même Matthieu, qui est avec ses chevaux, qui vit dans son coin de paradis, eh ben de temps en temps, il mange pour combattre. Parce qu'il y a des gens qui l'agressent, qui lui enseignent le libre arbitre et les grandes valeurs de la société. Alors si on continue sur les Allemands, par exemple, la pauvre Mia qui a pris sa neutralité, retournons vers la guerre de 39-45, la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce que Hitler a dit aux Allemands? Il leur a dit « Nous sommes faibles, nous sommes affamés, parce que les Juifs ont l'argent. Et parce que les communistes sont dangereux. On va combattre la Russie, et on va combattre les Russes. Et on va combattre aussi ceux qui nous volent de l'argent, comme les Gitans par exemple. » Et les Allemands ont suivi. Pourquoi est-ce que les Allemands ont suivi? Parce qu'ils sont obsédés d'une façon pathologique par l'argent. Il n'y a rien de plus important que l'argent en Allemagne. Ils pourraient vous poignarder pour 1,50 €. Ils pourraient vous trahir pour 1 €. Ce n'est pas une plaisanterie, je les ai vus perpétuellement. J'ai un endroit où j'abrite des gens en Allemagne, à Berlin, et nous demandons 400 € par mois pour le logement, toutes les factures du logement et toute la nourriture illimitée. Presque en centre-ville de Berlin. Et les Allemands, les étrangers, les autres non-Allemands, ils sont là, oh c'est super. Les Allemands, quand ils arrivent, ils disent c'est trop cher. Moi, je peux manger avec 50 € par mois. Donc, je vous propose, je paye 200 € de chambre et puis je me nourrirai tout seul de mon côté. Non, ça ne marche pas comme ça. Dans notre maison, la nourriture est mélangée, c'est une vie fraternelle. Donc, tu manges autant que tu veux, plus ou moins. Tu peux même inviter des copains, tu n'auras pas à payer plus. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Pendant la guerre de 1945, il y a eu Hans et Sophie Scholl. Je crois que c'était Hans, je ne suis pas sûr. Sophie Scholl, c'est sûr, et son frère. Et ils ont écrit des lettres contre Hitler, contre tout ce qui se passait, et ils les distribuaient d'une façon anonyme dans les universités. et déposer une rose blanche sur les papiers, et c'est resté légendaire, l'enseignement de la rose blanche. Et vous avez, tout le monde en Allemagne connaît l'histoire de la famille Scholl qui a combattu Hitler. Ils se sont fait arrêter, juger et guillotiner le même jour. Pouf, envoyés en paquet. Il y a des écoles Scholl, des rues, enfin bon. En Allemagne, c'est très connu, très respecté, parce que c'était vraiment des gens qui sont battus pour la démocratie. Ceci étant, demandez à un Allemand s'il a lu les lettres. Eh bien non. Ils ne lisent jamais les lettres et ils n'étudient jamais les lettres. Ils connaissent l'histoire, ils croient qu'ils connaissent les lettres, mais n'ont jamais lu une seule lettre. À tel point que j'ai plusieurs élèves allemands qui étaient vraiment choqués par ça et qui ont organisé des meetings sur Internet, donc tout à fait impersonnel, entre Allemands, sur l'enseignement Scholl, avec une petite partie à lire, et puis voir à quoi ça pourrait faire référence aujourd'hui, notre société moderne d'aujourd'hui en Allemagne, et parler de ça. Eh bien, ils n'ont jamais réussi à avoir un seul invité. Le seul invité qui soit venu à un moment, c'est un Espagnol. Et ils ont même été dans des universités, ils étaient trois, ils ont rencontré des profs, et tous les profs ont dit non. Et oui, pourquoi? Parce que, évidemment, il y a des passages des lettres de Scholl où ils disent, lorsque Hitler ouvre sa bouche, c'est un portail directement ouvert sur l'enfer, ainsi de suite. Bon, là, je ne sais pas, ils essaient de nous faire comprendre quelque chose de relativement négatif vis-à-vis de Hitler. Mais le reste, c'est à 100% d'actualité pour aujourd'hui. Vous n'avez aucune pensée par vous-même. Il n'y a que l'autorité. Si l'on vous dit une chose, vous la suivez sans aucune intelligence, sans aucune personnalité. Vous êtes obsédé par l'argent, vous êtes obsédé par le pouvoir et la soumission, etc., etc. Donc ce sont des lettres qui sont à 100% de la thérapie pour les Allemands d'aujourd'hui. Les Allemands jamais ne liront une lettre parce que ça offusquerait leur ego divin. Ils continuent à rester obsédés par l'argent. Moi, si j'étais allemand et je me suis dit, on a suivi Hitler à cause de l'argent, on va apprendre à être différent sur l'argent. Eh bien, non. Si vous allez à Berlin, par exemple, où moi je suis souvent, où on vous dira toujours, oh, l'Allemagne, c'est très vert. On ne parle pas des forêts qui sont magnifiques en Allemagne. On parle des gens qui sont en vélo, qui sont, où ils sont anti-pollution. Pas du tout, ils sont obsédés par l'argent. Obsédés par l'argent. Et même quand il fait hyper froid, qu'il y a de la neige, ils sont toujours sur leur putain de vélo. Pourquoi? Ben parce que les billets de bus, c'est cher. Donc, si on veut être très positif, on dit, oh, ils sont sur le vélo pour... Pas du tout. Et étrangement, les Allemands qui sont très verts, très anti-pollution, dès qu'ils sont dans un pays, ils sont très sales. C'est très connu. Pourquoi? Parce que dans ce pays-là, ils sont libres, ils ont pas de danger, et là, ils peuvent se lâcher. Donc, ça n'est pas du tout, comment? Ça n'est pas du tout un désir d'être propre, c'est un désir d'économiser. Et je connais beaucoup de gens qui sont végétariens par économie, pas par intérêt spirituel. Je connais des gens qui fantasment sur le breatharianisme, sur le pranisme, donc le fait de manger que de l'énergie, pour économiser. Et j'ai entendu un Autrichien, Allemand-Autrichien, c'est pour la même chose, ils ont la même mentalité, qui dit, vous vous rendez compte, tout l'argent que j'économise maintenant que je ne mange plus. Je n'achète même plus de papier toilette parce que je ne vais même plus aux toilettes. Au lieu de parler d'éveil spirituel, d'énergie, de miracle, de cadeaux, de Gaïa, Pachamama, la planète Terre. Non, non, c'est de l'économie. Donc, on leur redonne un Hitler qui leur parle d'économiser, de gagner plus d'argent, ils recommencent, parce qu'ils n'ont rien nettoyé de l'essence qui fait que Hitler a pu manipuler totalement ce peuple. Autorité, pouvoir, obsession monétaire. Et aussi le pouvoir. Je suis le meilleur du meilleur du meilleur, et je ne reconnaîtrai jamais que j'ai tort. Et si Hitler s'est suicidé à la fin, c'est pas du tout par désespoir. Hein. Hitler a estimé qu'il a été trahi par le peuple allemand. C'est pour ça qu'il voulait même bombarder et détruire plein de villes en Allemagne même, à Berlin même, parce qu'il y en a d'autres qui disaient, mais vous avez tué plein de gens. Il disait, alors, aucune importance, les bons Allemands sont déjà morts. Ceux qui sont vivants, c'est ceux qui étaient faibles, qui étaient traîtres, qui ne se sont pas battus. Et quand il s'est suicidé en disant, ben maintenant, démerdez-vous. Vous m'avez trahi, et ben maintenant, débrouillez-vous. Donc, Hitler, jusqu'à la dernière seconde de sa vie, n'a pas eu tort. C'est ce que les Allemands apprennent. Ça va être l'état de neutralité en Allemagne. C'est ce qu'on appelle aussi le programme national. Mais nous pourrions parler du programme français, qui n'est qu'un programme de mensonge. Liberté, égalité, fraternité. Aucune de ces trois choses n'existe en France. C'est le pays le plus menteur, le plus traître, et qui manipule énormément. Et d'ailleurs, voyager dans le monde, puisque je le fais souvent avec un passeport français, c'est super cool. Hein, parce que quand on arrive quelque part, waouh, vous êtes français, on a une super image. Sauf qu'il ne faut pas aller en France. Hein, parce qu'en France, il y a plein de choses qui sont, par exemple, permis en Allemagne, qui sont formellement interdites en France, style végé, c'est-à-dire une espèce de communauté, qui sont partout à Berlin et en Allemagne, interdits en France. Hein. Une communauté, ça veut dire une secte, et hop, ça y est, on est empaqueté. Le végétarisme, qui est largement refusé, et il y a même des lois qui existent, un peu tordues, un peu cachées, contre le végétarisme en France. Les vaccinations, qui ne sont pas obligatoires dans de nombreux pays, mais qui le deviennent totalement et à un niveau extrêmement grave en France. Mais pourtant, on va continuer à parler de démocratie. D'ailleurs, en parlant de Hitler, la France, en 1938, a fait les accords de Munich, c'est-à-dire un pacte de non-agression avec l'Allemagne. Ils l'ont fait à Munich, je pense que... Je crois, là où il y a Dachau, et ils ont fait ça à 2 ou 3 km du camp de concentration qui existait déjà et qui torturait déjà des dizaines et qui tuait des dizaines de milliers de personnes. Et tout le monde le savait, il y avait des articles de journaux quand les Français vous disaient « Ah, mais on ne savait pas ». C'est faux. En 1937, je crois, il y a eu un accord avec les Allemands pour que les Allemands puissent voler 37 ou 38, je crois que c'est 37, pour que les bombardiers allemands puissent voler jusqu'à Barcelone pour bombarder les gens qui combattaient le président espagnol, j'ai oublié son nom maintenant, enfin président, le fasciste espagnol, Franco, voilà. Et si Franco a gagné la guerre, c'est largement avec l'aide des Allemands, des bombardiers, mais avec l'accord total des Français, qui ont dit « Oui, bravo, vous pouvez voler dans le ciel, il n'y a aucun problème. » Et après, les Français, en 1938, ils signent l'accord, et après, ils disent « Bon, on ne savait pas qu'ils avaient des bombes et qu'ils étaient méchants. » Ça, c'est la France. La France est un peuple de baratineurs. Et je pourrais continuer sur l'Italie, sur l'Espagne, sur etc., etc. Quand vous êtes dans un état de neutralité, par définition, vous rentrez dans un état d'éponge, si vous préférez. Donc, vous allez absorber votre surrounding, votre entourage. Et quand, à un moment, cet entourage n'est pas positif pour vous, par exemple, il fait froid, vous mettez des manteaux, et d'autres manteaux, et d'autres manteaux. Les Allemands, en tout cas à Berlin, ils ont une jolie réflexion et disent « il ne fait pas froid, tu es improportionnellement habillé ». Donc il suffit d'avoir suffisamment de manteaux, il ne fait pas froid, voilà. Et de collants, il ne fait pas froid. Même moins 15, il ne fait pas froid si on est bien habillé. Et bien là, on n'est pas neutre, on ne sort pas en t-shirt et en short. Parce qu'il fait froid, donc on protège notre corps. Eh bien croyez-le, par rapport à la lumière, c'était l'enseignement du maître Omram directement avec moi, il fait très très obscur dans le monde, donc il faut s'habiller d'un habit de lumière. Comment s'habiller d'un habit de lumière? Étudier la lumière, répéter la lumière. J'ai vu un film il y a longtemps qui reste une référence pour moi, Dragon's Heart, Cœur de Dragon, et il y a un code des chevaliers, et très souvent ils sont les répéter le code, répéter le code. Un chevalier obéit à des valeurs. Son cœur ne connaît que la vertu. Son épée défend les démunis, sa force soutient les faibles. Ses paroles n'expriment que la vérité, sa colère déjoue les pièges du malin. Ça, c'est le code du film. C'est pas mal comme idée, hein, même si c'est un simple film. Répétez le code, répétez le code. C'est avoir un habit de lumière contre l'obscur. Mia a été assassinée par l'état de neutralité dans un endroit obscur. Elle est morte de froid dans un pays où il faisait très froid. Elle est morte d'obscurité dans un pays très obscur. L'état de neutralité ne peut exister que dans une fraternité, une vraie fraternité, où il n'y a pas de piège, pas de pouvoir, pas de mensonge, où vous êtes là. Et là, là, ici, comme moi dans la vallée de Lérieux, vous pouvez être nu, dans tous les sens du terme. Personne ne vous jugera, personne n'utilisera ça pour se moquer de vous, pour vous juger, pour vous agresser, pour vous manipuler, pour vous effrayer. Mais le reste du temps, vous devez être habillé de lumière proportionnellement à l'obscurité qui vous entoure. La main toujours sur le sabre. Il y a une légende chez les samouraïs qui dit la triste réalité suivante. Mais la conclusion est assez surprenante. C'est un jeune samouraï qui était réputé pour être le meilleur. Mais il a entendu parler qu'il y avait un vieux samouraï qui vivait dans un monastère et qui était plus fort que lui, car il connaissait le secret du paradis et de l'enfer. Alors, le jeune samouraï décide de rencontrer, d'aller dans le monastère et de rencontrer ce vieux maître et de lui prendre son secret pour être encore plus fort. Et le jeune samouraï a la réputation de décapiter très largement. Et il va au monastère et là, il est très en colère parce qu'il est reçu d'une façon très froide. Au lieu d'être à genoux devant lui, on lui dit « Oui, bah attendez, le maître, quand il aura le temps, s'il veut bien vous recevoir. » Donc là, le jeune samouraï, il boue. Au bout d'un moment, il arrive, il est finalement reçu par le vieux samouraï qui est en train de faire de la calligraphie, il est en train de peindre. Et le jeune samouraï lui dit « Maître, je suis venu pour apprendre le secret de l'enfer et du paradis. » Et le maître lui dit « L'enfer et le paradis, c'est un état d'esprit. Tu en es le seul maître et le seul à pouvoir toujours créer l'état positif. Maintenant, va !» Et ce faisant, il fait signe de la main, avec le pinceau dans la main, et il lui fait signe de partir. Mais en faisant ça, il y a de l'encre sur le pinceau, et il y a plein de taches qui arrivent sur le kimono immaculé du jeune samouraï, qui voit ces taches. Déjà, il a eu un enseignement qui ne lui plaît pas, parce que ce n'est pas assez. Et en plus, maintenant, il a attendu des heures, il boue de rage, et maintenant, il se retrouve avec toute une ligne de taches d'encre sur son kimono que tout le monde respecte et est terrorisé, parce que c'est le samouraï, le truc, machin. Et là, le jeune samouraï, c'est trop pour lui. Il commence à dégainer son sabre. Il le sort à peine. Et là, le maître lui dit « Ici commence l'enfer !» Et le jeune samouraï est foudroyé par cette phrase, en plein dans son action. Doucement, il rengaine son sabre. Et le vieux maître lui dit « Là commence le paradis. Maintenant, pars. » Et le jeune samouraï est parti, est devenu un sage qui a évité tous les combats. Et la philosophie de ceci pourrait être la non-violence, oui, bien sûr, évidemment, on fait tout pour éviter le combat. Mais la phrase qui accompagne la conclusion de cet enseignement, c'est « Le sabre dans son fourreau est un trésor. » On ne dit pas que de ne pas avoir de sabre est un trésor, car alors on devient une victime, comme Mia. On essaye d'éviter de dégainer, parce que quand on dégaine, on entre dans l'enfer, on est obligé de se battre, de tuer. Mais parfois, Pour protéger le paradis, nous sommes obligés de le faire. Nous n'en avons aucun plaisir, mais nous sommes obligés de le faire. Et le sabre dans le fourreau veut dire « laisse-moi tranquille, ne m'approche pas, ne pénètre pas mon périmètre de sécurité, ne pénètre pas mon périmètre de lumière. Ton obscurité, tu te la gardes dehors. » Mon sabre de lumière est l'habit proportionnel à l'obscurité qui nous entoure. L'état de neutralité ne peut exister que dans un état de lumière, dans un endroit de lumière. Et comme ces endroits de lumière n'existent virtuellement pas dans le monde, tout état de neutralité, de libre arbitre, de libre penseur, de libre communication est un état de soumission devant l'obscur, devant le mal. Pourquoi croyez-vous que le maître Omram passait des heures et des heures, tous les jours, à faire des conférences? Parfois, il faisait des conférences de 3 heures. Et il m'est arrivé souvent d'être permanent au bon fin, c'est-à-dire que j'étais là pour aider, pour organiser, pour travailler, et je n'avais pas toujours le temps d'aller aux conférences quand j'étais permanent par la suite. C'est pas la première fois, c'était d'autres fois quand je suis revenu plus tard. Et quand je demandais aux gens, alors, qu'est-ce qu'était la conférence? Je demandais à 5 personnes, j'avais 5 conférences différentes. Parce que les gens entendent ce qu'ils veulent bien entendre et n'entendent pas ce qu'ils ne veulent pas entendre. Ça s'appelle le déni. Si on est dans le déni, dans l'esprit martial, on est mort. J'ai un de mes élèves qui avait un très bon niveau de combat. Un jour, il est arrivé avec un gros pansement au bras. Il avait été largement blessé. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il me dit, j'avais 3 ennemis. Alors, à ton niveau, 3 ennemis, ça ne devrait pas être un gros problème. Oui, en fait, il y avait 2 Arabes et 1 Français. Et je me suis vraiment concentré sur les Arabes, qui avaient l'air assez méchants. Et puis, c'est le Français qui m'a mis un coup de couteau dans le bras. Vous voyez, l'illusion, le déni, ah, les Français sont gentils, les Arabes sont méchants, c'est quelque chose qui peut être mortel dans le combat. Mais cela peut être aussi mortel dans le combat de garder sa lumière et de manifester sa lumière et de protéger sa lumière. Vous devez être ouvert sur tout. Je sais très bien que dans ce speech-là, que je vous fais maintenant, que je n'invente pas, qui vient de Maître Omram, qui est venu d'au-delà de la vie pour m'enseigner ces choses-là, vous allez entendre dire « c'est exagéré, oh, l'autre est un petit peu schizo ». Alors que c'est si évident, si vous avez le courage d'ouvrir votre cœur et votre âme, vous ne verrez autour de vous que le mal. Et vous ne devez pas vous laisser envahir par ce mal. Entendre des sottises, « Oh, il faut bien manger de la viande. » Et boire un petit peu de sang même, hein, ça fait du bien pour stimuler. Mangez du foie, le foie c'est plein de sang, ça vous fait beaucoup de bien. Etc, etc. Tais-toi, va-t'en avec tes merdes. Barre-toi, laisse-moi tranquille. Toutes ces choses que vous... « Oh oui, mais il a le droit de penser ça. » Non, il ne le pense pas, il le dit. Et il te l'enseigne. Va-t'en ! La schizophrénie, ça vient du latin schize, qui veut dire déchirer. Vous marchez à côté de vos chaussures de lumière, si je puis dire. On vous bourre le crâne de tels mensonges que la lumière, vous la perdez. Et l'obscurité devient votre identité d'ego. Pour réussir, il faut être prêt à se soumettre, il faut être prêt à trahir, il faut être prêt à mentir. Il faut bien manger de la viande hein, pour être tonique et être capable de travailler et de se battre dans cette société où il n'y a pas de pitié. Alors pourquoi tu la prends cette société? Pourquoi tu es neutre dans cette société? Ah, les gens qui meurent de faim, bah, tant pis pour eux, hein, ils n'avaient qu'à manger. Maître Omram, il racontait toujours une histoire. Il disait, voilà, c'est un mendiant qui arrive auprès d'une dame très bourge et qui lui dit, « Madame, est-ce que vous pourriez m'aider? Ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. » La dame, sans s'arrêter de marcher, dit, « forcez-vous, mon ami, forcez-vous !» Et voilà. Ça, c'est l'état de société d'aujourd'hui. c'est cet état avec lequel vous voulez être neutre, c'est-à-dire avec votre libre arbitre. Oh oui, je prends ce que je veux, c'est faux. Si vous entendez sans réagir, sans refuser, vous le prenez. Encore et encore, petit à petit. Après, Mia, quand finalement elle est partie avec une comptabilité tout à fait douteuse vis-à-vis de mon argent. Et surtout, elle est partie avec plein de gens qui lui ont conseillé de partir, parce qu'il était certain que j'étais dans le pouvoir et que je la dominais. Et finalement, quand elle a voulu prendre un appartement, ben, il n'y avait plus personne. Ah oui, les gens étaient là pour la guider, pour l'encourager à être neutre dans le libre arbitre. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que les gens sont neutres aussi pour le reste. Et quand elle fait des choses après, ben, il n'y a plus personne. Les gens qui la conseillaient ne la conseillaient que dans l'obscur, que dans le mal. Et quand ensuite elle se tourne vers autre chose, il n'y a plus personne. Et je sais qu'elle aura un chemin de souffrance, un chemin de trahison, un chemin d'obscur, de souffrance. Elle est livrée au mal. Ici, dans l'appartement que j'ai en France, il y a une pièce entière remplie de cadeaux que je lui ai faits. Depuis des années où nous voyageons, elle a appris plein de langues, on a voyagé dans le monde entier, et partout où on passait, elle avait envie de ça ou ça, et ça me faisait plaisir de lui faire plaisir, et je lui achetais plein de cadeaux, tellement qu'elle a une chambre entière, il y a un camion qui doit venir pour embarquer tous ses cadeaux. Une pièce entière, une voiture. Dans une voiture, ça ne rentre pas. Hein. Et il y en avait le double, le triple en Allemagne. Mais elle avait besoin d'exprimer son libre arbitre et sa neutralité. Je ne veux pas être obligé de penser certaines choses ou de lire des choses qui ne m'intéressent pas. Ben, si elle pouvait hiberner dans cette idée-là, pourquoi pas ? Mais le fait est qu'elle reçoit un enseignement, elle se ment à elle-même. Tous les gens qui lui parlent lui enseignent le mal, le noir, la trahison, l'arrogance et ensuite le mensonge et l'abandon. Ce qu'elle a appliqué avec moi, mais qu'elle reçoit aussi directement. Aujourd'hui, elle gagne. Dans peu de temps, elle réalisera dans quel chemin elle s'est engagée. Et combien la dégradation et la souffrance l'envahira de plus en plus. Car il n'y a que cela dans ce monde. Et la seule façon de survivre dans ce monde, c'est d'accepter le mal et d'en faire partie. La seule façon de vivre, c'est de vivre avec la lumière. Son sabre de lumière dans le fourreau, toujours prêt à dégainer. Pour protéger la dignité de vie, l'amour et la lumière. C'est le premier enseignement intense, on va dire au-delà des enseignements classiques, que le maître Omram m'a apporté. Comprendre l'essence même de la vie, l'essence même de ce monde. Comprendre qu'aujourd'hui, être avec la lumière veut dire, parmi les humains, très souvent, être seul. Et si, pour être avec la lumière, je dois être totalement seul, je préfère cette solitude à la soumission du mal. Soum veut dire être aveugle en hébreu. Mais aveugle dans le sens de je ne veux pas voir, je ne veux pas savoir. Chaque lettre en hébreu, pardon, a une valeur numérique. Donc chaque mot a une certaine valeur. Soum, lorsque l'on calcule, ça a exactement la valeur de 666. Le chiffre de la bête. Soumission, je ne veux pas voir. Soum a donné comme mot soumission. En français, en anglais, c'est un peu plus éloigné, submission, à cause de la phonétique où il y a un B. Une autre chose qui va tout à fait dans ce sens-là aussi, c'est consuming. Consumer, soum, c'est la même origine. Alors si on analyse le mot, ça veut dire con, qui veut dire avec, Essoum, qui veut dire je ne veux rien savoir. Donc, la société de consommation, consommer, consuming, ça vient du mot aller avec la cécité, aller avec l'obéissance, aller avec la soumission. Et grâce à ça, j'ai le droit d'acheter, j'ai le droit de consommer. Et le contraire, assumer, ah, c'est la négation en latin, donc l'opposé, assumer, ça veut dire voir véritablement, puisque je refuse d'être aveugle. J'assume ma position, j'assume mes responsabilités. Et devant le soum de ce monde, de la bête, du diable, il faudrait être neutre avec mon libre arbitre qui me permet d'écouter tous l'opinion de chacun, mais ce n'est pas l'opinion de chacun, c'est perpétuellement l'enseignement de la bête. Et moi, je n'écoute pas cet enseignement, je le refuse, je le rejette, je l'ai appris du maître Amram, il m'a donné un sabre de lumière. Le sabre tout court, aujourd'hui, vous savez, avec un revolver, c'est quand même plus efficace. Hein. Si on veut être dans les arts martiaux, on dit très souvent, depuis que les Chinois ont inventé la poudre à canon, les arts martiaux, c'est démodé. C'est tout à fait exact. Par contre, si l'on sait s'adapter et qu'on apprend l'art du sabre, pour avoir l'art du sabre de lumière ensuite, un peu comme un Jedi qui combat l'empire, le pouvoir, l'argent, la soumission, alors croyez-le bien, la pratique des arts martiaux dans l'esprit spirituel est la plus grande démarche que vous puissiez avoir dans l'esprit de guerrier de lumière, combattant de la paix. C'est la première leçon intime du maître Amram, qui s'est fait en plusieurs fois, que j'essaye de vous transmettre. Et j'espère que vous comprendrez que l'esprit de non-violence avec lequel je suis d'accord d'une certaine façon est aussi un esprit de pollution, puisque la non-violence voudrait dire, dans la plupart des gens, ne pas réagir. C'est-à-dire ne pas dégainer son sabre, c'est-à-dire ne pas avoir de sabre. Le sabre dans son fourreau est un trésor. Oui, ça c'est l'esprit de violence, on évite le combat. Mais quand on doit combattre, on dégaine son sabre de lumière. Et pour vous, la non-violence enseignée par le diable veut dire soumission. Soum, 666. Et je ne serai jamais soumis au diable et à l'obscur. Je ne serai jamais neutre dans cet endroit de mal, de violence et de vice. Je suis avec la lumière, quel qu'en soit le prix, durant ma vie et à la fin de ma vie. Je rencontrerai la lumière. L'obscurité nous cache tout et nous fait tout avaler. Il est intéressant de voir que, je suis bien placé pour le savoir, quand on meurt, on part dans un espèce de tunnel et on arrive à un point de lumière. Cette lumière est représentée dans notre esprit par plein de choses différentes, selon ce que l'on croit. Ça peut être Bouddha, Jésus-Christ, papa, maman, et même un chien, ou votre frère, enfin quelqu'un qui est décédé. Un enfant, que sais-je. Il y a beaucoup d'interprétations. Par contre, cette lumière pose toujours la même question. Comment as-tu aimé? Comment as-tu aimé? Et dans cet état de neutralité, dans ce monde obscur, on rencontre la lumière. La lumière, c'est Hela. Et c'est l'origine du mot Hell. Mais je ne comprends pas. Comment est-ce que la lumière pourrait être l'enfer? Tout simplement parce que si l'on rencontre la lumière qui nous révèle notre façon d'aimer et d'agir dans notre vie, sans déni, sans interprétation, sans mensonge, sans tout l'enseignement du mal de cette société, et qu'enfin on regarde aux fruits de notre vie, pour la plupart des humains, mourir, c'est rencontrer l'enfer. L'enfer que l'on a fabriqué toute la vie en étant neutre devant ce monde obscur. Si au contraire on a été tourné vers la lumière, vers l'action, vers l'amour, quand on reçoit la question « Comment as-tu aimé ?», On entre dans un état de paradis. On revit chaque action que l'on a vécue et l'on reçoit au centuple tout le bien que l'on a fait, ou au centuple tout le mal que l'on a fait, ou au centuple tout le bien que l'on n'a pas fait, qui devient du mal. Donc, si on vit avec la lumière, quand on meurt, on reçoit l'héritage de notre vie de lumière. Quand on est neutre dans un monde obscur et que l'on meurt, on démasque cette neutralité, c'est-à-dire cette soumission à la bête. Et le regard sur notre vie est infernal et nous semble une éternité. C'est l'origine de l'enfer. Comme il existe dans l'enseignement du samouraï, l'enfer et le paradis, c'est un état d'esprit que tu fabriques chaque seconde de ton existence. Et l'état d'enfer, c'est l'état de soumission devant la bête. Et tant qu'on est soumis devant la bête aime la soumission. Et bon, on s'en sortira pas si mal. Mais au moment de la mort, quelle terreur, quelle horreur, quel enfer éternel. Pour ceux qui sont vers la lumière, comme moi, ou comme le maître Amram, la vie est très difficile. Mais la mort est facile. Et le maître Amram, combien de fois m'a raconté l'état dans lequel il existait. Il a découvert aussi ses erreurs, car il a fait des erreurs. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est venu vers moi, pour corriger certaines de ses erreurs et m'aider en même temps devant mon honnêteté et mon engagement. Il y a toujours un échange. Mais en général, il vivait dans un état de divinité et de lumière infinie. Une seule des secondes de son existence d'après mort vaut plus que 10 000 de vos années de vie dans l'obscur. Alors, au bout du compte, qui perd et qui gagne? Au bout du compte, au bout du chemin, comme au bout du tunnel, il n'y a que la lumière, parce que vous êtes des êtres de lumière, et vous laissez neutre dans un état d'obscurité qui vous envahit petit à petit. C'est trahir votre lumière. Vous êtes des êtres de lumière et le but du chemin est la lumière. Et le Tout-Puissant, la source du bien, est la lumière. Soyez avec la lumière et vous mourrez avec le sourire et vous vivrez une intensité de merveille après votre mort infinie qui dépasse tout ce que vous pouvez rêver pour le plus merveilleux des paradis. Voilà l'enseignement du maître Amram.